Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon pote de Bordeaux, Fabrice Lamour. Salut Sofiane. Salut. Donc tu avais quelques galères à nous raconter ? Ah, moi j'ai une petite anecdote sympa. C'est à l'époque où j'ai débuté le One Man Show, donc ça remonte à une dizaine d'années. Et j'avais peut-être 5 dates derrière moi. C'était mon premier spectacle. Tout neuf, quoi. Tout neuf, rodé un petit peu dans les cafés-théâtres. Et je chope une date devant 150 personnes, un pas, justement. Et on joue, ça se passe bien. Enfin, le démarrage est un peu tendu, avec des mecs un peu trop bu, mais on arrive à les cadrer. Ça se passe super bien. Le spectacle dure 1h20, ça cartonne et tout. Je suis super content. Moi, c'était vraiment la première fois que j'avais les gens en liesse à la fin. Oui. Ça part à la fin, je content de moi, j'étais sur mon petit nuage, j'ai les gens qui viennent me saluer sur le plateau, et là il y a un couple d'intermittents qui vient me voir, je précise que c'est des intermittents parce que c'était, j'hallucinais après, mais ils viennent me voir, ils viennent me serrer la main, ils me disent bravo, félicitations et tout. Alors moi j'étais tellement fier qu'on vient de me féliciter, je dis ah ouais, vous avez aimé? Ah non, pas du tout. Mais par contre... Par contre, belle prestation. Hein. Par contre, c'était à chier, mais... parce que nous, on est intermittents, on voit la différence quand même entre les gens du métier et tout. Oh là là là là là là. Et voilà. Donc, depuis, si tu veux, quand les gens viennent me remercier... Tu te méfies. Je leur dis merci beaucoup, mais je ne leur demande plus jamais s'ils ont aimé. Ah ouais, punaise. Ne jamais demander s'ils ont aimé. Ah, là, j'avoue qu'ils ont été un peu méprisants, j'avoue. En tout cas, merci beaucoup. On te retrouve dans ton café-théâtre, donc La Drôle de Scène, à Bordeaux, voilà, qui organise pas mal de spectacles, et le Gavé Style, qui est le plateau d'humoriste, la scène ouverte tous les jeudis. Tu as également une page Facebook, je crois. Oui, Fabrice Lamour. Fabrice Lamour, tout simplement. Et merci beaucoup à toi. Pour ma part, vous me retrouvez sur Sofiane Humoriste, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Bisous à tous, même à toi là-bas.